Amoureuse? Ça n'est pas une raison, ça. Moi aussi, je suis amoureux, mais ça ne m'empêche pas de me rendre utile. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Qui attends-tu donc? Un soldat qui m'a rendu service. Le soldat qui était en prison? Ton soldat aura eu peur. Je parie qu'il ne viendra pas. Ne parie pas, tu perdrais.